Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, le rap n'est plus. À l'orée de sa vie, il vacillait au milieu des twerks, des gimmicks et des onomatopées. Plus de phrases, plus de verbes, plus de COD, parfois même juste des bruits. Il avait perdu toute raison d'être. Notre cœur se serre, alors pleurons-le ensemble. Que faire ? Se lamenter ? Mettre un CD de Mano et se dire qu'au final, ce n'était pas si mal que ça ? Non ! Car même des ténèbres abyssales, la lumière trouve toujours son chemin. Et comme le disait le frère Lino, quand tu n'as rien à dire,